Toi. Boubou, ouais, Boubou. Si je dis Quentin, personne ne va comprendre. Boubou, Quentin, c'est équivalent ? Oui. Les deux, ouais. Ça fait partie absolument du même prénom, nom. Ok. Et pour les gens qui t'appellent selon l'un ou l'autre de ces noms, c'est la même chose. Oui. Il n'y a pas de classement par rapport à ça. C'est pareil. Je te remercie d'être venu aujourd'hui aux entretiens de Grenoble. J'ai mis Boubou de Shogunai Records parce que c'est aussi une de tes activités. Oui. Donc il y a les deux, il y a Shogunai Records et toi. Mais en fait, tu as plutôt apporté des morceaux, comme je t'avais conseillé en fait, mais j'ai oublié après coup, plutôt des morceaux qui racontent un peu une sorte, je sais pas, d'intimité ou des morceaux qui te plaisent. En oui, fait, oui, voilà. Rien à voir avec le label forcément. Voilà. Donc plus une sorte d'histoire musicale. Personnel, pour le ouais. Dire personnel. Voilà. Super. Moi, j'ai quand même choisi de mettre quelques morceaux du label, parce que c'est un bon label et qu'il faut en parler. Merci. Un petit peu. Voilà. Et donc, y avait le thème que j'avais suggéré, mais en fait, le néolibéralisme. Bon, c'est toujours une sorte de, c'est à la fois sérieux et pas sérieux d'avoir un thème dans l'émission. Donc. On n'est pas obligé de l'aborder, mais au moins c'est bien d'aborder le fait qu'on a voulu l'aborder. Effectivement. Voilà. Et que j'ai été perturbé par ça. Perturbé, oui, parce que tu croyais que qu'il fallait amener des morceaux qui avaient un rapport avec exactement. Le néolibéralisme. Alors c'était que c'était dur. Plus de manière. ce que je comprends. Voilà. Eh bien, on va commencer. Donc, j'ai déjà commencé par ce morceau. Donc, Nami Shimada de Sayushi Terada. Voilà, que j'ai mis en bon bref, pour diverses raisons que j'expliquerai certainement jamais. Alors, parce qu'elles sont un peu trop évidentes. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme pour commencer cette exploration, on va dire. Bah écoute, j'aime bien l'aspect aléatoire. J'ai pris 10 morceaux, on n'aura pas le temps de passer les 10. Et ouais. Vu que je suis pas capable de choisir, je te laisse en piquer. D'accord, là c'est par ordre alphabétique de nom d'artiste. D'accord. Et on peut commencer par Yael Naïm, qui va nous mener là où on veut. Donc c'est Pachad. Exact. Et on en parle après. Merci. כי לא לבד קושר לי את הידיים אומר תתחנני תן לי יד רוצה שתתקפלי אליו רוצה שתחכי לא לעד שתרתבי בוא אליי מאיר את השמיים אומר עכשיו תזכרי תן לי יד רוצה שתנסי לבד הגיע הזמן שתפרחי לעד אומר עכשיו תזכרי לבד רוצה שתפרחי Est-ce que c'est un bon premier choix? J'ai l'impression que c'est le morceau le plus vieux. que t'as ramené, non? Non, t'avais quel âge donc, Bah, c'était au collège, en quatrième. D'accord. Un morceau que j'avais téléchargé de YouTube et que j'avais écouté vraiment en boucle pendant une bonne période. Et il m'a assez marqué par le suite d'accords et sa simplicité. Ouais. Et la langue, enfin l'hébreu qui est assez beau chanté comme ça, je trouve. D'accord. Est-ce que tu sais le l'hébreu de plaie, c'est par rapport aux sonorités chantées. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire, tu sais de quoi ça parle? Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, okay. J'ai souvent ce problème, c'est que j'aime les musiques pour pour ce qu'elles sont, mais c'est peut-être un problème, mais je vais pas souvent trop chercher d'accord. tout ce qu'il y a autour. Non, mais c'est vrai que par rapport à... Bon, parce que moi, j'essaie de mettre ça en perspective avec ton label et tes goûts, ta production. Et là, on connaît, en fait, c'est un peu le début du... Je sais pas, du kawaii un peu japonais. Oui, c'est vrai. Influence, voilà, ce côté un peu mélo... triste, mélo, un peu, mélancolique, mélancolique et mignon, surtout là, donc là, il y a la voix à la fin qui est un de tes passages préférés qui est assez aigu, qui fait presque une voix autotunée un peu, enfin un truc un peu... C'est ça, qui rejoint la guitare presque derrière, oui. Ouais. Mm. Voilà. Enfin, bon, voilà. Très bien, bon, je pense qu'on va, continuer cette exploration. J'avoue que je suis très surpris que tu aies amené ce morceau, mais c'est bien. On peut... Fais-toi plaisir, choisis-en un. Est-ce qu'on mettrait pas, tiens, un de tes morceaux pour justement, vu qu'on a parlé de ton label et de ce que tu faisais pour comme ça donner des clés par rapport à ce que tu fais maintenant. Ok. Tu vois, donc DJ Sentinelle, c'est ton nom d'artiste. Oui. Et je te poserai des questions là-dessus. Ça marche. Voilà. Donc on met la piste 3 qui est... 177-013. Voilà, 177-013. En fait, j'ai jamais écouté avec autant d'attention. C'est très prenant. Alors donc c'est 17, pardon. 177013. DJ Sentinelle, donc quelques questions. La Sentinelle de quoi? Ça m'est venu pendant mes études là, d'informatique, où on parlait de manière de trier dans les algorithmes. Il y avait un tri qui s'appelait Sentinelle et je trouvais ça joli en fait. D'accord, donc il n'y a pas de... C'est pas... Rien de spécial. Ok, d'accord. Et donc tu avais dit qu'il y avait une sorte d'histoire de ce morceau, de genèse particulière Non, en fait c'est 177013, c'est le code d'accès, on va dire, dans l'URL d'un site qui diffuse des hentai. Et c'est ce qui permet d'accéder au manga. Et le manga en question s'appelle Metamorphosis. Et c'est un manga qui a été écrit par Shindo El et qui raconte la descente aux enfers d'une fille simple qui au fur et à mesure, en fait, a l'impression de vivre une nouvelle vie et où ça va se finir de manière très tragique. Et c'est ce que j'ai voulu représenter dans ce morceau. Et j'ai un de mes amis d'enfance qui a fait un clip, un montage vidéo, du moins, qui retrace un petit peu cette narration. Donc... l'histoire, c'est qu'elle, elle subit des sévices, ou c'est un truc en fait, c'est sexuel, ou c'est... Il y a de tout, c'est un taille, du coup, mais c'est une fille simple, on va dire, qui va en cours un et qui... comme... comment, il y a un livre du Marquis de Sade, c'est ça. Bref. Mais c'est une fille simple qui se dit, je me rappelle plus le titre, pardon, mais bon. Je vais essayer de vivre un peu plus, parce que c'est une fille très discrète, en fait, qui est effacée du monde, un peu, et puis elle va commencer à essayer de se maquiller, etc. Et puis c'est quelqu'un de très naïf et qui va se faire engrainer dans des choses très sombres. Voilà. Ok. C'était un très beau morceau. Je suis un peu sous le coup de l'émotion, j'avoue. On va enchaîner sur quelque chose d'autre. Alors, t'as amené, j'ai vu des morceaux plutôt rock. Ouais. Est-ce qu'on peut alors rester sur... on peut mettre ça, par exemple. Je vais mettre un morceau un peu pour retrouver des bases un peu plus solides. Et on revient après là-dessus. Ça marche. Merci. I have been to canyons where the streetlights freeze your soul, and a single night is longer than 6 months at the pole. Where man's heart seizes up when the sirens call, and passing cars throw twisted shapes upon the hollow walls. I'm just a cold sailor, standing here alone. A cold sailor, wishing I was home. A cold sailor, won't you take me in? If you'll give me some supper, I'll tell you where I've been. For I have stood the night watch in 1,000 native towns, and turned at every footstep and challenged every sound. And crossed myself in summer storms, and rain came down so fast that you couldn't see the hatred in the faces rushing past. I'm just a cold sailor, standing here alone. A cold sailor, wishing I was home. A cold sailor, won't you take me in? If you'll give me some supper, I'll tell you where I've been. I have been inside the caves where lonely people go to dream the technicolor dreams that lonely people know. And once for an instant I glimpsed the paradise of someone who was not afraid, but then she closed her eyes. I'm just a cold sailor, standing here alone. A cold sailor, wishing I was home. A cold sailor, won't you take me in? If you'll give me some supper, I'll tell you where I've been. Where I've been. Ouais. Ouais, donc j'ai mis un morceau de bluegrass, donc. J'en avais déjà mis la semaine dernière, mais là j'en remets un. C'est très agréable. Ouais. Alors c'est marrant, toi tu vas écouter ça en début d'après-midi et moi à 3h du mat. En teuf. Ben je trouverais ça vraiment osé quoi. C'est vrai. Voilà, bon c'est tout. Alors, sur quoi on enchaîne là? Bowen Pale Machine, c'est bien ça? Alors ça c'est un occidental qui est parti au Japon, qui a appris le japonais et qui s'est dit je vais faire un album... Toi, tu dis occidental. Comme ça, c'est. Ouais, en fait. Ni européen, ni. Ah oui, ouais, non, occidental. Pardon. Non, mais. Ah oui, parce que du coup. Je pense que c'est un européen, ouais. Je suis pas sûr, encore une fois, je vais pas trop loin. Du coup, tu poses Japon occidental. Ouais, d'accord. Mais je vois. Il a fait, du coup, des morceaux, un album comme ça autour de la culture japonaise. Et j'ai découvert grâce à un trailer de jeu vidéo qui s'appelle Omori Game et qui lui ont demandé de faire la bande son. Okay. Et ce jeu il parle d'un gamin qui veut se suicider en fait et qui dans son rêve vit une aventure pour trouver la clé pour ne pas se suicider en fait. C'est très beau, le jeu a l'air très beau et il me semble qu'il sort bientôt. Ouais. Ça fait 5 ans qu'il bosse dessus là, ça devrait sortir. C'est à l'allure de Game Boy, un peu comme Pokémon, mais dans un univers très fantasy. Donc le but absurde. Du jeu, c'est de trouver la clé. Ouais. Cette clé. La réponse. Donc c'est une quête. Ouais, c'est une quête. Avec comme gain la vie finalement. Oui. Oui. Mais c'est une quête. Ouais, bon d'accord. J'ai pas joué encore. Ouais, ok, ouais. Ça avait l'air d'être ça en tout cas. Ouais. Ouais, bon, ça me fait poser plein de questions, mais bon, si tu n'en sais pas plus, j'espère que tu. C'est sur quoi? C'est sur. J'y connais rien en jeu vidéo, sur ordinateur. Oui, je pense que ça va sortir sur ordinateur. C'est vraiment un jeu 2D à l'allure de Pokémon Game Boy Color, quoi. D'accord, ok. Voilà. Je vois, ok, c'est ça. Et ben, on a qu'à mettre ça, et puis voilà. Ok. Ça roule. I'm feeling good. Let's say my emptiness has gone away. I just woke up today. Eat my corny flakes for you. Good morning, how's the weather? My feelings are so clear. I just wanna be with you, doing what you do always. Show me how to live. Just a perfect life. Pleasure in every move we make. Perfect every time. Will you lead me straight to paradise? Will you feed me? Everything is nice. Here, kanji ga ippai, ame ga furitai desho. I'm born. Donc Bo N. Donc je répète, c'est pas. Donc il a fait un album et ensuite une maison de jeux vidéo. C'est des indépendants. Des indépendants. Ouais. Lui ont demandé s'ils pouvaient prendre des petits bouts de son album pour leur jeu. Super. C'était un morceau très très dense, très intense. Super. Il y a beaucoup de choses, c'est riche. Oui. Ouais, très riche, très assez désarmant en fait, je trouve quand même. Très désarmant. Voilà. Mais ouais, très bien. Et là, en fait, c'est un morceau que j'ai fait. Voilà. Ok. En fait, moi, je l'ai déjà dit sur cette émission, donc je fais mon auto-promo tout le temps. Non, mais je veux faire une bande-son de jeux vidéo, du coup. Voilà. Ben justement, quand tu as choisi ce morceau, c'est ce que je t'ai dit là, quand le micro était coupé. Ça aurait pu être Bohème, en fait. J'ai senti le lien logique. Voilà. Ça aurait pu, mais c'est pas la même production. Mais bon. Non. C'est pas le. Voilà. Bref, ça c'est avec des chips de NES, enfin un émulateur de, tu vois, la console. Oui, de NES. Ouais. Beaucoup de 8 bits, ouais. Voilà, essentiellement. Bref, voilà, ben très bien. Est-ce que t'as un autre morceau du coup dans ta playlist qui serait ton qui reflèterait ta passion des jeux, enfin ou du moins ton attirance vers cet univers-là, ou alors on peut changer totalement. Non, j'en ai pas d'autres dans cet univers-là. J'ai vu que tu avais amené deux morceaux de Muse. Ouais. Peut-être qu'on peut enchaîner avec un morceau de Muse. Ok. Voilà. Et ben, Muse, si je dois dire quelque chose rapidement, c'est. Tu as 9 secondes. Un groupe qui m'a fait vibrer toute mon adolescence et que j'aime encore. Mais okay. Voilà. Très c'est bien. Une B-Face. Ok. Chase your dreams away, glass needles in the hay. The sun forgives the clouds. You are my holy shroud. I Donc Muse, ouais. Donc c'est. Alors qu'est-ce qu'on disait, ouais. Muse, là ils sont très connus quand même, parce que c'est quoi, 14 ans après leur. Non, t'as dit. Non, 18 ans après leur. Leur début. Non, 8 ans après leur. 8 ans après leur premier album. 2000, donc en 2006. Showbiz, ouais. Là, c'est. Showbiz. Oui, c'est. Ce morceau a été fait. C'est une B-Face qui n'est pas dans les albums, mais il a été fait en même temps que Absolution. Ok. L'album avec Hysteria que tout le monde connaît. Toi, t'écoutes ça donc tout collège. Juste avant d'arriver au collège, en fait, c'est mon oncle qui m'a fait découvrir Muse et sa passion pour Muse, et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter de la musique, on va dire, de manière, avec un intérêt réel et pas juste ce qui se passe à la radio ou ce que t'entends avec tes camarades, quoi. Donc, on voit bien quand même un fil conducteur, le côté très émotionnel finalement. Très émo, ouais. De émo, émo, bon, émotionnel. Non, mais dans toutes les musiques. Que tu passes, enfin quand même que tu nous fais découvrir, c'est le très sensible, vibrant quoi. Merci. Et toujours une fibre, voilà, toujours. Voilà, ouais, ok, merci de nous faire partager un peu. C'est quand même assez respectable de finalement de se dévoiler comme ça. Merci. Un peu sans trop de. Sans honte. voilà. Bah, moi, j'avais pris un morceau que j'écoutais quand j'étais au collège aussi. Ah. Comme ça, tu pourras peut-être comprendre. Voilà. Allons-y. Comme ça, on partage des choses. C'est les entretiens de Grenoble avec Boubou. Voilà, merci d'écouter. Bonsoir. Vitesse maximum. Rapidité. C'est... Noifix ribbed. Bon, voilà, c'était juste pour une discussion. Ouais, ça m'a fait voilà, un œil aux périodes de skateboard. Ah ouais. T'écoutais quoi quand tu faisais du skateboard? Bah, des choses relatives à ça, ouais. Ouais, ok. Très bien. Alors on va baisser un peu le tempo. Mm-hmm. Est-ce que ça te dérange pas de parler un peu de ton label, si ça te dérange pas trop vite fait ou est-ce que ça te dérange un peu? Non, ça me dérange pas, mais et pour l'évoquer un peu parce que c'est quelque chose. J'ai tendance à m'étaler quand je parle sans. D'accord. Cloison, donc si tu peux poser des questions, c'est plus facile. Ok. Eh bien, donc il est né en quelle année? Il y a trois ans. Ah oui, c'est vrai, le 3 ans. T'as commencé par sortir des compilations cassettes. Ouais. Ouais. Et donc l'intention c'était plutôt de faire de produire des artistes locaux. D'ici. Bah à ce moment-là on était locaux. En groupe, on était plutôt un collectif avec plusieurs personnes, ouais. Dont Thibaut avec qui tu travailles beaucoup. On travaille pas mal. Ouais. En ce moment. Surtout en ce moment. Et d'ailleurs les compil cassettes c'est ça vient de lui hein, plutôt. Ouais. C'est okay. Alpine Fun Classic, ça sort de tout droit de sa tête. Okay. Et puis après ça on a décidé de se séparer pour des raisons un peu plus personnelles mais pas graves hein, juste organiser des soirées ça m'intéressait ouais. plus trop et puis ouais. on va dire que quand j'ai parlé de l'idée du label à Thibaut j'avais déjà quelque chose d'ancré profondément en moi et ouais. Qui était quoi alors qui était qui plus dans le ce qui se passe maintenant. Mais j'avais pas envie de l'imposer à tout le monde et okay. c'est pour ça que je préférais qu'on se sépare pour pas passer pour un tyran qui ouais et voilà. Qu'est-ce qui se passe alors maintenant? Alors maintenant, déjà la direction artistique, elle est plus orientée autour de l'univers manga japonais, quelque chose de plus émotion justement, ouais. comme tu disais. Ouais. Et voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Mais donc ta dernière sortie, Rickson, ça, ouais. ça, pour toi, ça fait partie de... Non. Alors, ce que j'ai bien aimé dans Rickson, justement, c'est son côté un peu décalé, c'est-à-dire qu'il fait de l'électro, rien de très très très innovant on va dire mais il ouais. a quand même une patte toute particulière où il va ajouter des vocales qui sont pour moi inédites, j'ai jamais entendu de manière enfin des vocales posées de cette manière. D'accord. Et ces morceaux au final sont il y a vraiment une patte je trouve et ouais. Et moi, c'est ça que j'aime en fait, c'est quand il y a une patte particulière, peu importe le genre ou quoi, c'est quand il y a vraiment quelque chose que je trouve particulier, c'est génial. Ok, donc finalement tu t'éloignes de ce cette ligne peut-être un peu, enfin bon, tu te laisses le loisir de sortir voilà, ce que tu veux, pas forcément de tenir cette c'est ligne. Ça. C'est ça. Emo japanimé. Non, le côté Japon, c'est vraiment décoratif, on va dire. D'accord. Même si shogunai, ça veut dire c'est comme ça, on peut rien y faire. Au Japon, c'est une expression courante ouais. et qui résume à peu près bien ma philosophie de vie. Mais on va dire que c'est pas ce qui détermine ce qui se passe dans le label forcément. Ok, très bien. Eh bien, on va mettre un morceau de la deuxième compile. Ok. Morceau de Zach, du coup. Morceau d'Exit Strategies, ouais. Voilà, que j'aime beaucoup. On écoute ça, merci. Non, c'est pas ça, pardon. on le mettra plus tard, désolé. Dopo Il Sogno. Ouais. C'est quoi alors? C'est le... C'est le nom du morceau. Ouais, enfin, c'est le nom du morceau et j'ai découvert ça parce que c'est le générique de fin d'un animé qui s'appelle Gunslinger Girl. Pour faire vite, c'est des petites filles qui ont eu des accidents où toute leur famille est morte et ils sont récupérés par les services secrets italiens pour les former au combat et pour mener des missions d'élimination de criminels. En Italie. En Italie, ouais, ça se passe en Italie. Une ville particulière, non? Oui, c'est à Florence, je crois. D'accord. Mm. Ok. D'où le voilà. D'où le côté opéra. Ouais. Italien, mais italien. Par une japonaise. Ouais. Ok. Donc c'est un animé. Pardon, c'est long. C'est une heure et demie. Non, c'est une série du c'est coup série. De saisons où il y a toute la psychologie des personnages qui est mise en perspective. Donc ça c'est le générique de fin de chaque épisode. Voilà, exact. Ok. Bon. D'ailleurs l'opening est très bien aussi. Ouais, j'imagine. Ouais. Et donc c'est quoi donc il y a ce fond tragique du destin des petites filles qui finalement sont dans une sorte de vengeance. C'est un peu animé, non? Non, parce qu'elles elles ont subi une lobotomie, elles se souviennent de rien. Et en d'accord. fait, elles sont persuadées que leurs tuteurs, qui sont des gens de services secrets, sont leur père. Et les seuls liens qu'elles connaissent, du coup, c'est leur homologue. Et petit à petit, en fait, elles développent des sentiments. Elles n'ont aucune résurgence Non, rien du tout. Et d'accord. Du coup, elles découvrent les sentiments humains et elles qui sont habituées à tuer de manière très froide parce que c'est tout ce qu'elles connaissent, développent des sentiments et sont pleines de désarroi face à ça. D'accord. Donc elles ont par exemple de la pitié pour les gens qu'elles doivent tuer ou des choses comme ça. Non, elles n'ont pas de pitié du tout. Par contre, quels sont ces sentiments humains L'amour qu'elles portent à leur tuteur par exemple, ou le sentiment d'amitié qu'elles développent avec leurs collègues. Ok. Et qu'il est pourquoi ça les plonge dans le désordre? Parce qu'elles savent pas. Parce qu'elles savent. Elles savent pas ce que c'est. Ouais, elles savent pas d'où ça vient vu qu'on leur a juste appris à la base à éliminer des cibles de manière parfaite. Donc ça c'est comme des robots finalement. Exactement, des robots qui se réhumanisent au final. Mais c'est pas des robots. Non, c'est, non, c'est voilà, des c'est filles. Des, qui, ouais, okay. Des petites filles de entre 5 et 8 ans. D'accord. Donc le désespoir. Total un peu. Ouais. Un peu. Ouais. Tragique. Enfin, il n'y a pas d'issue. Oui, c'est tragique. C'est très tragique. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'issue heureuse, quoi. Non. De toute façon. Parce que même les sentiments qui pourraient être positifs, finalement, sont inconnus et voilà. Et finalement, embarrassent. Exactement, dans l'embarras. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ok, bon. Tout ça, donc, sous. Enfin, j'imagine très bien, du coup, tout ça avec Florence en fond, quoi. Ouais. Voilà. Ça bon. Contraste bien. Ouais. Très bien. Donc il reste 6 minutes, on peut continuer cette petite exploration intime, on va dire. Qu'est-ce que tu veux mettre? Alors qu'est-ce qui reste qu'on n'a pas mis? Parawan peut-être? Non, je sais pas. Peut-être pas. Il y avait peut-être le... Qu'est-ce qu'on disait le... Je t'avais... La Llorona? Non. Non. Kukram? Ouais, Kukram, ouais. Kukram. Pourquoi pas, ouais. Vas-y. Allez. Ça marche, c'est les entretiens de Grenoble avec Boubou. Voilà. Voilà. Merci. happen to wishes, wish not a star. Most of the time I just let it go by. C'est bon? Oui. Oula. Ton premier morceau de trip hop, c'est ça, c'est l'historique. Qu'on a écouté en boucle avec mon meilleur ami du lycée à l'époque. Et... à l'époque. J'avais essayé d'ailleurs de faire un morceau de morceaux basé un peu sur la même suite, d'accord. Ouais, c'était. Ouais, on avait 16-17 ans là. Ok. Eh bien, ce sera un petit peu le morceau de fin. Voilà, on va attendre que ça se finisse. Merci d'être passé. En fait, on va continuer un petit peu. Mais la plage Pinode est terminée. Donc, j'invite tout le monde à regarder ton label, Shogana Records, avec une prochaine sortie bientôt. Donc de Konerythmie, un finlandais. Ouais. Konerythmie, un finlandais. Un double LP. Double LP, ouais. Voilà, ouais. 33 tours. Très puissant. Donc, il y a un bandcamp, Shogana Records. Voilà. Donc là, en fait, on a un petit peu une toile de fond musicale, mais qui représente pas le label, mais plutôt une toile de fond, on va dire psycho-émotionnelle. C'est voilà, ça. Du label, pour le dire un peu, avec des mots. Merci à tous. Pinode, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité sur les entretiens de Grenoble. Merci. Voilà. Merci, Quentin. Merci, à bientôt. Nico. Ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre? Muse. Eh ouais. C'est comme d'ailleurs, ça. C'est comme ça. Bon, nos entretiens. Mon meilleur ami du lycée s'appelle Nicolas aussi. Ah ben. Ok. Il y en a beaucoup. Merci à Nicolas. D'ailleurs, un autre qui me permet de diffuser sur Pinode. Ouais. Ah aussi. Vive les Nicolas. Ouais. C'est la Saint-Nicolas. C'est la Saint-Nicolas. My trust morceau de Muse, ouais. Ouais. Host. Quand même grosse influence, mais on dit plus influence. Grosse inspiration, grosse ouais. écoute. Ah bah, c'est 8 années permanentes d'écoute, ouais, je pense. Ah ouais. Avec Radiohead, et, mm-hmm. qui sont leur propre influenceur. Non. Oui, leur influenceur. C'est leur propre inspiration. Mon petit frère aimait beaucoup Muse, je me souviens. Mmh. Voilà. Bon, 6 ans d'écart on a. Donc c'est du coup le Muse du oui. d'avant. Mais de toute façon, c'est surtout le Muse jusqu'à Black Holes and Revelations dont je me suis beaucoup nourri. Okay. J'ai continué après jusqu'à The Second Law. Et puis, ils ont pris un virage quand même assez marqué hein, dans la ouais. pop. Qui me plaît moins, mais que j'arrive toujours à écouter sans trop de rancœur. C'est mon oncle, en l'occurrence, qui m'a fait découvrir Muse, il veut plus en entendre parler à cause ouais. du virage qu'ils ont pris. Ouais, c'est ok. Mais je respecte leur puriste. Choix. Quoi. Mmh. Ouais, c'est un puriste. Et l'album avec les sortes de. Les pylônes avec. Ça, c'est Origin of Symmetry. Ça. Ah ouais, c'est ça. C'est le deuxième, ouais. c'est voilà, celui avec Plugin Baby, etc. Yes. C'est celui-là dont je me souviens la pochette. Très bien celui-là. Donc on a un rap d'une demi-heure. Voilà. Suite stochastique rallonge. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci Nico. Voilà. Donc on va continuer. Tout simplement, puisqu'il te reste des morceaux à mettre. Quelques-uns et plutôt quelques-uns. Aussi, je pense. Ouais, moi j'en ai quelques-uns. Je vais en mettre un alors. Allez. Un morceau de Nick Drake. Voilà, qui est un peu le fils de Drake, le fils de l'oncle de Drake, ouais, qui lui a fait découvrir tout le rap de Memphis. Voilà. On écoute ça, c'est parti. Lifting the mask from a local clown, feeling down like him. Seeing the light in a station bar and traveling far and thin. Sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes. Hearing the trials of the people there, who's to care if they lose? But take a look, you may see me on the ground. For I am the parasite of this town. Dancing a jig in a church with chimes, a sign of the times today. And hearing no bell from a steeple tall, people all in dismay. Falling so far on a silver spoon, making the moon. Changing a rope for a size too small, people all get hung. Take a look, you may see me coming through. For I am the parasite who travels two by two. When I'm lifting the mask from a local clown, I'm feeling down like him. And I'm seeing the light in a station bar, I'm traveling far and thin. And I'm sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes. And hearing trials of the people there, who's to care if they lose? Take a look, you may see me on the ground. For I am the parasite of this town. Or take a look, you may see me in the dust. For I am the parasite who hangs from your skirt. Enfin, introduire le morceau qui arrive. La Satessa, là. Donc ça, c'est à mettre avec Yael Naïm. Ouais. Dans l'idée. Mais c'est découvert beaucoup plus tard, ça, par contre. J'ai découvert ça au moment où je commençais à diguer des vinyles. C'était, du coup, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc 21, ouais. Ça, tu l'as trouvé en vinyle? Non. Non, mais j'ai trouvé sur YouTube grâce au magnifique algorithme. Non, pas sur vinyle. Ah oui, mais quand tu dis c'est quand t'as commencé à diguer des vinyles. Ah oui, c'est juste, c'est arrivé en même temps. Dans cette même époque, ouais. Okay. Justement, j'avais cherché sur vinyle, mais je trouvais pas. Je crois pas qu'il soit sorti en vinyle, justement, cet album. C'est de l'espagnol. Je savais pas. J'imagine. Bah on écoute, ouais. À tout de suite. Que me lance you. sogno un cimitero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capir di più e placar gli affanni. Ma solo l'ornamento di una bella sposa. Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha una vita mal spesa? Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha una vita mal spesa? Gente giusta che rifiuti di essere preda di facili entusiasmi e ideologia alla moda. Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha una vita mal spesa? Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha spesa. Casa. Ma che colore di non sognare la nuovissima Zelanda? Ma che colore ha? Gire via da debbianza velenosa. Ma che colore ha? Ma che colore ha? Una giornata uggiosa. Ma che sapore ha? Ma che sapore ha? Una vita mal spesa. Ma che colore ha? Ma che colore ha? Ma che colore ha? Una giornata uggiosa. Ma che sapore ha? Una vita mal spesa. C'est difficile à définir le style de Lucio Battisti, bon. Parce qu'en fait, il, tu vois, dans les années 70, il faisait des trucs plus prog, un peu rock. Et en fait, il a, avec les années, par exemple, dans les années 80, il y a plus de synthé, ou tu vois, des fois, c'est plus disco. Voilà. Donc, il reste contemporain toujours de son contexte. Ouais. Okay. Oui, absolument, ouais, ouais. Bah, mais un petit peu à l'image de Muse, au final. Qui ont pris le tournant, peut-être, qui déplaît certaines, à certains puristes, justement. Ouais, ouais. Peut-être, ouais, d'accord, ouais, ouais, sûrement. C'était pour faire un parallèle. Ouais, ouais, non, mais c'est bien, ouais, ouais. Comme tout, peut-être tout artiste populaire, essaye de coller toujours au. Oui, voilà. À ce qui se fait. Tout le côté de pop. Mieux. Voilà, ouais, peut-être, en fait. Pour toujours renouveler l'intérêt. Non. Je ne sais pas. Ou perdre celui de ceux qui sont là depuis des vieux grincheux. Ouais. Voilà. Non, je sais pas. C'est plus pareil. C'est plus pareil, c'est pas comme avant. Je les suis pas dans leur délire. Mais bon, Lucio Battisti, j'ai une vue assez de tout ce qu'il a fait. Bon, je prends tout, personnellement. Mm. Voilà. Ok. Alors, il te reste... on va mettre quoi alors, Kasabian, c'est pas mal ça. Ouais, Kasabian ou Chrome Sparks peut-être. Chrome Sparks. Comme tu veux, il reste que 9 minutes, donc faut faire un choix, j'imagine. Non, on peut mettre deux morceaux, hein. Trois morceaux s'ils sont courts. On peut les couper, les morceaux. Ouais, on peut peut-être... on va commencer par Kasabian, alors. Okay. J'avais découvert ça avec PES quand j'étais petit, en jouant avec mon oncle, encore une fois, et j'étais allé chercher un peu plus loin, et j'aimais pas trop, en fait. Mais PES, c'est... PES, Pro Evolution Soccer. Ah, yes. Et y avait un morceau de Kasabian. Alors, un morceau de Kasabian qui est ultra connu, je sais plus comment il s'appelle, bref. Mais j'aimais pas plus que ça, mais ce morceau-là en particulier, je l'ai vraiment adoré. Il s'appelle Heidi. Heidi, et là c'est le live from Brixton Academy. Ah merde. À Londres. Voilà. On va écouter. Ah il y a l'ambiance du live. Voilà, ouais. Et je me suis trompé dans le fichier que j'ai téléchargé, du coup. Peut-être sur Soulseek. C'est pas plus mal. Pardon. C'est émo aussi, ouais. Très émo, ouais. Bon, coupe pour double dip et mettre un dernier. Et il s'habillait en noir ou... Ah, je sais pas. Non, je crois que justement le... ce morceau est assez particulier dans leur, musicographie. Ouais. Okay. Le dernier morceau, et c'est un morceau de Chrome Sparks que j'adore. Ouais. Vraiment, que... Et t'aurais pu amener des morceaux que t'aimais pas, mais bon. J'y penserai peut-être. Tu penseras la prochaine fois, on fera une anti-émission. Ouais. Les exclusions de Grenoble. Les exclusions, ouais. Ça doit être assez difficile. J'imagine. Non, en plus de préciser pourquoi on n'aime pas des morceaux. Bref. Merci. Donc là, on va mettre ce morceau, puis on va se quitter, là, cette fois-ci pour de bon. Merci à Nico. Merci Pat79, Julie Desk, Pat42 qui était là au début, et les autres Pat. Et on se dit à la semaine prochaine avec un autre invité. Merci. Et à nouveau, merci Quentin. Merci. Ciao. Beaucoup.